Salut, c'est Mathieu sur Stream Radio, vous allez bien ? Nouvelle année et surtout, retour de la hit list pour votre radio. La hit list. Oui, mais pas que. La hit list, c'est toujours une heure avec ce que tout le monde écoutera en boucle demain. Mais aussi maintenant, une deuxième heure de l'émission avec les titres que tout le monde écoute en boucle dans le monde. Et oui, quels sont les numéros 1 dans tous les pays? On écoute tout ça ensemble dans cette deuxième partie de la hitlist. Les deux émissions peuvent être diffusées à la suite ou pas. C'est vous qui voyez pour compléter votre grille des programmes sur plusieurs jours. Deux heures d'émission produites depuis les studios de Stream Radio chaque semaine pour votre antenne. À très vite!